premier temps d'une série de 4 émissions dans la Fabrique de l'Histoire sur la période qui succéda immédiatement aux événements de mai 68. La semaine dernière, bien des émissions de France Culture en effet traitèrent du 40e anniversaire du mois de mai, et nous-mêmes avec une série documentaire de 5 numéros encore écoutables d'ailleurs sur notre site franceculture.com. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à une période peu étudiée, celle qui suit donc de quelques mois, voire de quelques années, les événements de mai. Demain, le documentaire de Séverine Yatar et de Charlotte Roux intitulé « Les filles de mai se rebellent » traitera de la déception et d'une certaine remise en cause de la révolution supposée de 68 chez les militantes proches du gauchisme. Mercredi, nous pourrons écouter des archives totalement inédites enregistrées lors d'une enquête effectuée à la Poste par la revue gauchiste des Cahiers de Mai au début des années 70. Et jeudi, nous traiterons de la violence révolutionnaire de ces années marquée par les expériences allemandes de la fraction armée rouge et italienne des groupes armés, dont un d'entre eux, les Brigades Rouges, assassina Aldo Moro le 10 mai 1978, il y a très exactement 30 ans. Et aujourd'hui, eh bien, notre invité est Isabelle Saint-Saëns, ingénieure de recherche à l'Institut National de Recherche sur le Transport et la Sécurité, qui fut du mouvement du 22 mars 1968 à Nanterre et qui nous racontera comment elle est revenue à une autre forme de militantisme dans les années 90, depuis les années 90, puisqu'elle milite à la fois pour les sans-papiers, mais également du côté d'ACT UP ou encore dans la revue Vacarme. Chacun se retrancha dans ce qui devait être des souvenirs, des sensations, peut-être des considérations sur 20 ans foutus en l'air, peut-être pas, eux seuls le savaient. Dehors, un flot continu de bagnoles, c'était ça qui était le plus dur à supporter. Dans le groupe, il y avait deux filles. L'une avait tenu 3 ans en usine, puis était tombée dans la daube juste avant qu'il n'arrête les frais. L'autre devait partir en Inde, avec un des types les plus bizarres du groupe, un casseur de Juvisy, grand spécialiste du V8 en tout genre, et dont les autres se méfiaient à mort. Sans doute parce que c'était le seul réel prolétaire de la bande, Lucky. Un surnom qui lui collait au moins autant à la peau que son cuir crasseux. Pas de nouvelles depuis, non plus. Et deux autres autonomes tête brûlée, Riton et Maurice, des mecs que personne n'aurait aimé rencontrer au coin d'une rue déserte et de nuit. Vaux Vietnam à fond, hommes de main, prêts à tout. Ils étaient un des bras armés de l'Orga, avec en couverture justement Beno et Adrien, qui avaient appris à les connaître, sinon à les apprécier. La théorie pour eux se résumait à tout foutre en l'air, cogner sur les fachos, pendre les uns avec les tripes des autres, des catangués, comme on disait avant. Pour eux, sous le pavé, il n'y avait pas de plage, mais encore des pavés. Pour la théorie, l'étude, l'analyse, la stratégie, il y avait bien sûr Luc, mais aussi Charlotte et Annie, précises et cultivées. Et Marcel, qui a dû continuer ses longues études en tôle. Mais toutes ces différences étaient estompées dans le temps qui passe. Même les visages étaient flous, il y avait plus de 20 ans et les traits avaient dû charger de rides et de cales. La vieillesse, plus de 45 balais pour, en gros, tout le monde. Les différences incroyables quelquefois entre deux personnes de cet âge. Question de vie et d'espoir. L'espoir rend jeune. C'est un extrait de l'Archmutz 5632, une série noire publiée en 1999 par Jean-Bernard Puy. Jean-Bernard Puy qui était célèbre aussi pour avoir traité de façon très ironique et très comique dans Spinoza en cul et gueule les conflits, pourrait-on dire, entre des groupes gauchistes justement dans les années 70. Et là, l'Archmutz 5632 raconte l'histoire de deux militants ouvriéristes qui se sont installés à la campagne dans ce processus d'établissement des gauchistes de l'époque et qui sont devenus des fermiers. Et 20 ans plus tard, on les réveille, l'organisation les réveille. Et donc, ils se souviennent de tous ceux qui ont peuplé ce mouvement. C'est toujours un peu la même chose. Tous les 10 ans, on refait ce coup-là, oui. Isabelle Saint-Saëns. Absolument. Tous les 10 ans, à tel point que nous, on se disait hier, on se voit justement assez régulièrement, plus que tous les 10 ans, avec un certain nombre de copains du 22 mars, on se disait en rigolant que probablement le mouvement de mai avait été inventé par une coalition d'éditeurs qui, dès les années 65, se sont dit « Coco, tous les 10 ans, on va faire quelque chose de bon ». Parce que effectivement, tous les 10 ans, il y a floraison de bouquins, refloraison de bouquins. Ce n'est pas toujours les bouquins intéressants, d'ailleurs. Enfin, tous ne sont pas ressortis, ce qui est dommage. Interviews de célébrités de plus en plus chenues et de plus en plus raisonnables. Oui, c'est fait. Alors, donc c'est ce qu'on essaie de garder un petit peu le contact. Enfin, il y a des gens qui sont restés en contact. On essaie de savoir qui. Bon, il y en a certains pour qui c'est facile de savoir ce qu'ils sont devenus. On entend souvent parler de Danny Cohn-Bendit, De Sauvageau, de Sauvageau, de Gessmar, de Krivine, de Julie, enfin bon, pour parler de Olivier Rollin, etc., pour parler de gens qui, à part Dany, n'étaient pas au 22 mars. Mm-hmm. Mais, et alors, dans le mouvement du 22 mars, mm-hmm. il y a eu une occasion qui vous a été offerte par le site Mediapart et Antoine Perrault, qui, il y a ouais. quelques temps, a récupéré une photo. Il a fait une sorte d'appel à témoins de recherche, et c'est ce qui nous a donné un peu l'idée de vous inviter, Isabelle Saint-Saëns, parce qu'il y a une vingtaine de personnes sur cette photo. Il a commencé à lancer ça avec force témoignage en disant « Si vous reconnaissez quelqu'un sur cette photo, dites-nous qui c'est, et puis on essaiera de le joindre, on essaiera de le retrouver. Ou si vous vous reconnaissez, racontez quelle a été cette expérience du 22 mars. » C'est pris dans la salle des conférences, mm-hmm. la salle du conseil d'administration de l'Université de Nanterre, que vous occupez donc ce soir du 22 mars. Alors, on reconnaît bien entendu Daniel Cohn-Bendit. Et puis, tout compte fait, il n'y a que 8 ou 9 personnes qui ont répondu à cet appel. C'est pas pour démystifier l'excellente enquête d'Antoine Perrault dans le très intéressant Mediapart, mais c'est pas du tout une traque, enfin, ou une chasse à l'homme, etc. Puisque la photo, c'est Nicole Lapierre et moi, Nicole Lapierre, qui était au 22 mars, mais qui est par ailleurs la femme d'Edoui Plenel, qui l'avons donnée à Antoine Perrault et qui lui avons confié les noms, les numéros de téléphone et les mails d'un certain nombre de gens. Et là, il se trouve coincé avec 8 interviews et on lui dit que nous-mêmes, on a mené la chasse au trésor depuis très longtemps et que voilà. Mais que par contre, il y a une autre photo où là, il y aura Harry-Jean Quevilly, ici, Marc Sandberg, Sonia Feynman, etc. Mais lui veut, sur cette photo, parce qu'en plus, sur cette photo, je pense, il y a 22 personnes. Donc, 22 personnes pour le 22 mars. Et on est pour l'instant arrêté. On en est à 8. À 8 ou 9. Ouais. Et c'est un peu comme cette photo décrite par le photo de groupe, par Jean-Bernard Pouy dans son livre. C'est, voilà, on essaye de savoir ce que sont devenus les autres. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps? Alors, c'est pas exactement quand même le principe de la photo de lycée, hein, qu'on retrouve. Les copains d'abord, ouais. Les grands sites où on retrouve, c'est ça, sous 3 piles de draps et en disant « Mon Dieu, ça y est, maintenant, je vais lancer sur Internet un appel ». On a quand même continué avec des destins différents, avec des choix différents, mais il y a quand même eu, bon, justement, cette histoire de l'après-68 immédiat et ensuite des années qui ont suivi. Il y en a, enfin, avec des chemins très différents, on s'est quand même un peu tenu au courant. Et il y a des gens, sans être restés très liés avec eux, moi, il y a des gens que j'ai jamais perdu de vue, enfin, on a... Chacun, au gré des amitiés, gardait des liens plus ou moins forts avec des amis ou des camarades ou des amis qui étaient des camarades. Enfin bon. Et, mais il y a des gens qu'on retrouve aussi dans d'autres manifestations. Je veux dire, il y a des gens qu'on a retrouvés alors, dans les manifestations lycéennes de 74. Ça, c'est à peu près normal. Et puis, il y a des gens qu'on a retrouvés autour de... L'élection de François Mitterrand ou même pas bon, probablement, puisqu'il devait y en avoir un certain nombre dans la rue, Place de la Bastille, etc. Il y en a qu'on a retrouvés autour de François Mitterrand, mais aussi autour de la Marche des Beurs, et puis beaucoup, alors je dois dire en ce moment, autour des mouvements de sans-papiers ou du mouvement contre le CPE il y a 2 ans. Donc, des gens qu'on peut retrouver comme ça... Avec tout de même 40 ans qui se sont écoulés. Avec 40 ans, oui, c'est... Des changements de vie, des progressions de carrière, l'entrée dans la vie professionnelle, vrai, pour vous qui étiez des jeunes étudiants. Mais c'est vrai aussi qu'il n'y en a pas beaucoup, mes camarades d'ACT-UP, donc, puisque je suis membre d'ACT-UP depuis 97, faisaient remarquer dans un texte absolument magnifique qui a un titre un peu provocateur, qui s'appelle « Évidemment, nous en sommes », qui expliquait pourquoi ACT-UP était partie prenante du mouvement des occupations d'Assédic en 98, et expliquait au détour de ce texte qu'il trouvait quand même qu'il y avait dans les modes d'action, dans les modes de réflexion, les modes d'organisation, des choses qui pouvaient leur rappeler 68, mais qu'il y avait bien peu de gens de la génération de 68 qui les avaient rejoints ou qu'on pouvait tout simplement entendre en soutien ou même les rejoindre carrément. Alors, justement, si on revient à ces années ou ces mois, peut-être, qui suivent immédiatement ces quelques semaines de mai-juin 68, qui sont donc... on l'a raconté, une sorte de flambée sur le pavé de Paris. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Isabelle Saint-Saëns, par exemple, tout de suite après ces événements de mai? Qu'est-ce qu'on fait quand le pouvoir est réélu avec une chambre bleue quasiment unique? Et qu'est-ce qu'on fait dans l'été 68, tout de suite derrière? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on reste là? Qu'est-ce qu'on décide Alors, de faire? Moi, en ce qui me concerne, je suis... Enfin, d'abord, je suis partie avec Daniel Schulman, qui était une amie très très proche à l'époque et qui l'est toujours, et qui a été interviewée dans par Perrault sur Mediapart. On est parti faire une enquête à côté, entre Montauban et Saint-Augustin-Nobleval, avec un groupe d'étudiants en géographie qui étudiait à la fois les cultivateurs de pêche, mais aussi les réorganisations dans le milieu agricole. C'était un petit job qu'on s'était trouvé comme ça. Mais en même temps, donc on discutait en plus entre les Toulousains et les deux Parisiennes. Enfin, c'était assez rigolo. Et puis ensuite, moi, je suis partie en vacances. Je ne sais plus où. Daniel est parti retrouver son fiancé en Bretagne. Et puis, on s'est retrouvés un certain nombre. C'est vrai qu'on était un peu assommés. Hein. Et on s'est retrouvés un certain nombre. Quand était-ce ? C'était le 20 août, pour des manifestations quasi spontanées après l'invasion des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie. Ah oui, alors parce que ça, c'est extrêmement intéressant, puisque c'est là aussi où ce mouvement du 22 mars... il ne faut évidemment pas le confondre, et on l'a compris quand on a écouté la série d'émissions de la semaine dernière, il ne faut pas le confondre avec le Parti communiste, etc. Effectivement, il y a toute cette dimension anti-autoritaire, et anti-autoritaire en particulier vis-à-vis d'un Parti communiste qui va soutenir les opérations de Prague, de normalisation de Prague dans l'été 68. Il y avait deux composantes politiques à gauche ou à l'extrême gauche qui étaient absentes du mouvement du 22 mars, à la fois parce qu'ils ne voulaient pas s'en mêler et que nous, on n'en aurait pas voulu à cause des analyses qu'on faisait, c'était le Parti communiste, c'est-à-dire l'UEC. En particulier, le représentant à Nanterre de l'UEC, c'était Guy Konopnicki, qui depuis a fait critique sur critique. Enfin bon, parce qu'ils étaient... Enfin, je veux dire, on était quand même pour beaucoup, parce que ça n'est pas que ça le 22 mars, mais on était pour beaucoup, issus des histoires à la fois de la résistance, mais contre un certain héroïsme, et issus aussi des luttes anticoloniales et de la guerre d'Algérie. Donc, je veux dire, c'est la génération juste avant nous, la génération justement des Julie, enfin bon, qui s'était fait exclure de l'UEC, soit les Italiens, qui étaient des inorganisés, soit les gens qui avaient fondé les jeunesses communistes révolutionnaires, donc Krivine, soit ceux qui avaient fondé l'UJCML. Donc les communistes, non. Enfin, je veux dire, on a même... C'est pas un de nos faits les plus glorieux, mais foutu à la porte d'un amphi, Pierre Juquin. Certains d'entre nous agitaient des petits livres rouges et en criant « Juquin, petit lapin », parce qu'il courait. Enfin bon, c'était pas... Enfin, cela dit, on était violemment, moi-même, de mon histoire personnelle et familiale, j'étais violemment anti-Parti communiste français. Oui, parce que votre père avait quitté le Parti communiste, Il l'a quitté en 68. C'est-à-dire que mon père a fait partie, il était depuis 1920 au Parti communiste. Il a été dans la résistance à Toulouse. C'est là qu'il a connu Jean-Pierre Vernant, enfin un certain nombre de gens. Et Victor Leduc, j'imagine. Oui, et c'est ça. Et c'est justement, il a fait partie de cette bande qui, avec Vernant et Leduc, publiait Voix communiste et l'étincelle, je crois, l'un étant interne, l'autre externe. Et c'est cette bande qui, de 48 à 68, a sauté sur toutes les occasions pour protester, pour critiquer et pour se faire massacrer par le PC. C'est-à-dire que ce soit les médecins en blouse blanche, la Hongrie, le manifeste des 121, l'Algérie, les étudiants de l'UEC, les étudiants et Prague. Et puis Prague, là, ils ont estimé que ça suffisait. Donc moi, j'étais virulemment anticommuniste parce que j'entendais à la fois les critiques que racontaient mon père et ses amis, et en même temps je les voyais rester à l'intérieur de ça, enfin je trouvais ça bon. Et puis en même temps j'entendais ma mère raconter le planning familial et la façon dont c'était reçu par Jeannette Torres-Vermersch, qui poussait à ce qu'on continue à faire des enfants pour assurer l'avenir du prolétariat. Donc j'étais, voilà, donc il y avait ça. Et l'autre groupe qui n'était pas là, c'était, je crois que ça s'appelait le Clair ou l'Affaire, enfin, qui était une fraction trotskiste, un peu analogue à ce qui est devenu l'OCI ensuite, qui eux nous considéraient comme les petits bourgeois. Et puis il y avait l'UJCML, à part qu'il y avait des gens de l'UJCML qui participaient. Donc l'UJCML qui était maoïste, mais maoïste orthodoxe, pourrait-on dire. Tout ce qui est de plus orthodoxe. Voilà. Hein, oui. C'est-à-dire, depuis 65, ils envoyaient des gens en usine. Pour être méchante, je dirais que les hiérarques, les frères Miller, Philippe Barret, Blandine Criégel, Robert Linhart, envoyaient leurs condisciples en usine, et eux n'y allaient pas. Enfin, ils y sont allés un peu. Mais ils y sont allés plus tard. Robert y est allé. Je ne pense pas que Philippe Barret ni Blandine y soient allés. Et donc ensuite, effectivement, le problème, c'est que certains d'entre eux qui sortaient tout juste, peut-être, c'était une des déceptions, qui sortaient tout juste du prolétariat, qui étaient des jeunes maoïstes issus de familles ouvrières, sont allés s'établir et pour certains d'entre eux sont restés dans le prolétariat, dont ils avaient sorti le nez en faisant quelques études. Je pense qu'il y a eu quelques hécatombes à la fois de jeunes ouvriers qui s'étaient rebellés, donc coupure totale avec le milieu, parce que je crois qu'on a du mal à imaginer maintenant, pour qui ne l'a pas vécu ou qui ne l'a pas étudié, enfin, je pense que vous le savez bien, la violence du Parti communiste et de la CGT. Enfin, les exclusions, les tabassages, les gens étaient... Enfin, Marguerite Duras et Morin le racontent à propos du groupe de la rue Saint-Benoît. Absolument. Je veux dire, c'est du jour où on quitte le parti, des gens, des amis intimes... Et Dominique de Santi l'a raconté avant. Et Dominique de Santi l'avait raconté avant. Comment les gens... passe sur l'autre trottoir et ne vous voit pas. Enfin, c'était la perte. Donc là, on se retrouve avec des gens qui sont en plus moins protégés, qui n'ont pas un background intellectuel, financier, politique, social, etc. Et puis, il y a eu aussi tous ceux qui sont les étudiants, y compris d'un milieu aisé, qui sont tombés dans la dope, tombés dans l'exclusion. Enfin bon, là, il y a eu quand même quelques... Il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse, oui. Et ça, c'est bien raconté, par exemple, dans le premier livre de Virginie Linhart, celui sur les... Et puis, il y a quelques... Mais c'est pas... Enfin, c'est en tout cas pas raconté. Justement, il faut aller chercher cette vraie histoire, et en particulier celle qui suit 68, parce que c'est pas dans Génération qu'on la trouvera. Je veux dire, on trouve beaucoup de choses très intéressantes dans Génération, mais je suis fascinée, en particulier le deuxième tome, de voir comment deux anciens trotskistes sont fascinés par les crapules maoïstes. Enfin, je suis désolée pour mes amis maoïstes, mais non, je veux dire, les petits chefs qu'ils étaient à l'époque. Oui. Et la violence qui s'en suivait aussi, oui. Une violence de rapport, et puis violence également... Et puis, il y a très peu de choses sur les femmes, justement. Dieu merci, il y en a... Il profite de ce qui parle le VLR de Roland Castro pour faire parler Prisca Bachelet, Nadia Ringard, etc. Bon, donc parler un peu du début du MLF. Mais c'est extraordinaire parce que vous mouvez encore dans cet univers avec une capacité de référence qui est tout à fait évidente, mais qui pour la plupart du temps, pour nos auditeurs, doit être totalement incompréhensible. Parce que par exemple, parler de VLR, parler de tout, ces maoïstes-là qui étaient des maoïstes qui s'étaient intéressés plus, par exemple, qui sont les premiers à s'intéresser à l'homosexualité, qui sont les premiers à s'intéresser à la lutte des femmes, par exemple. C'est une tendance maoïste très particulière qui est séparée d'une autre tendance maoïste qui s'appelle la gauche prolétarienne, par exemple. Qui est celle dont on parle maintenant. Qui est celle dont on parle maintenant. Donc Serge Julie et d'autres... C'est pas pour dire que Roland Castro, qui était l'animateur de VLR, n'est pas maintenant un personnage aussi médiatique que le sont les autres. Mais oui, je suis désolée effectivement d'être un peu comme ça, mais c'est effectivement VLR qui m'intéresse et pas l'AGP. Alors que j'étais assez rétive, même très, d'une part à toute forme d'organisation et d'autre part au maoïsme, mais j'avais des amis à l'AGP, des amis à VLR, en particulier des filles. Mais c'était VLR qui était le plus intéressant, parce que l'intelligence de Castro, enfin, et des gens qui étaient là, et les choses auxquelles ils s'intéressaient, ont fait que c'est là que sont nés les mouvements lycéens, enfin, ceux que nous voulons tous, les mouvements de femmes, les mouvements d'homosexuels, toutes choses qui ont quand même irrigué les années 70. Alors VLR, c'était Vive la Révolution. Et d'ailleurs, il faudrait presque avoir une sorte de lexique. J'ai avec moi le petit livre de Daniel Lindenberg qui vient de paraître aux éditions Bartilla, où il raconte sa géographie parisienne des années 68. Et puis à la fin, il met un petit glossaire. Il faut expliquer la dynamique de groupe, l'école émancipée, l'externisme, rappeler qui était Frantz Fanon, l'importance de la gnose, de l'ambertisme, les maranes. Le pablisme avec Michel Raptis, effectivement, et se dire que, effectivement, c'est une période qui est relativement proche, mais qui, par ses références, par l'autoconstruction de son discours de séparation d'un groupe par rapport à un autre, etc., a fini par devenir une période assez obscure. Il faut une sorte de boussole pour pouvoir se guider à l'intérieur assez de ce moment-là. Assez obscure, d'autant plus qu'il y a eu effectivement des reconstructions officielles. Et justement, c'est ça qui était intéressant dans le 22 mars, c'est qu'il n'y avait pas d'organisation. C'était ce qui posait problème à la fois. Enfin, on y est arrivé après, justement. C'est ce qui est très bien raconté dans ce petit livre-là sur lequel je vous ai fait de la pub de David Vercotren, qui s'appelle « Micropolitique des groupes », qui est issu, entre autres, de l'expérience des collectifs syndiqués en Belgique, qui raconte les différents, sous forme de glossaire, les différents mots qui peuvent frapper les groupes, quelle que soit leur taille, et comment on peut essayer, non pas de les affronter, mais au contraire, de les contourner, de les subvertir, et de s'en alléger un petit peu. Mais mots, par exemple, pour le 22 mars, c'était sûrement la personnalité de Danny Cohn-Bendit, c'est-à-dire aussi la force et la puissance de l'image de Danny Cohn-Bendit, qui finissait par être devenu l'ennemi du pouvoir et donc une sorte d'emblème auquel il fallait se raccrocher ou pas. Comment ça s'est passé justement cette suite de mai 68 par rapport à la personnalité de Danny Cohn-Bendit et Isabelle Saint-Saëns ? C'est-à-dire qu'on a continué à avoir pendant longtemps l'étiquette enragée de Nanterre ou la bande à Cohn-Bendit Alors que les destins ont été très très différents. Enfin, je veux dire, vous me posiez la question de savoir ce que j'avais fait pendant l'été. Il y en a des qui sont partis à Londres pour se plonger dans la musique et les drogues récréatives. D'autres sont partis avec les paysans ouvriers faire une longue marche en France. D'autres sont tout simplement partis en vacances. Ceux qui allaient devenir les leaders, enfin les fondateurs en tout cas, il n'y a pas que du mauvais là-dedans, de la gauche prolétarienne, c'est-à-dire Serge Julie et Alain Jespard sont partis à Cuba, où ils ont interviewé, enfin ils ont discuté avec le leader Maximo pendant des nuits et des nuits, et ils en ont ramené un livre qui s'appelait « Vers la guerre civile », dont un des chapitres s'intitulait « Vietnam, lieu géométrique de notre joie la plus profonde ouais. ». C'est un texte intéressant à lire en ce sens de ce qu'il raconte, enfin déjà un peu d'ossification de ce qui se passait. En même temps, ces gens-là, moi je veux dire, j'ai un peu travaillé avec eux fin 68, début 69, parce qu'ils avaient, en particulier Evelyne Julie, qui était à l'époque la femme de Serge, avec qui je suis restée très amie, avait eu l'idée, je pense que c'était elle plus que les garçons, qui étaient à ce moment-là en liaison avec quelques... Ça s'appelait les groupes anti-autoritaires de l'UJCML. Il y avait Benny Lévy, probablement Linhart, enfin bon, les frères Miller, les deux, le grand et le petit. Mais Evelyne avait eu l'idée qui s'était un peu cristallisée, auquel les autres, de faire une pré-agence de presse Libération. J'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai cherché dans mes papiers. Et les locaux étaient rue Pascal. Alors, l'agence de presse Libération, c'est ce qui précédera l'existence de Libération, voilà. Donc en 1973, je crois. Et c'est ce qui précède les quelques mois qui précèdent l'existence du journal Libération parrainé par Jean-Paul Sartre. Et qui, donc, l'idée... Parce qu'il y a quelque chose de très fort. Vous dites, je suis parti faire une enquête. Alors, l'enquête, c'est quelque chose, c'est un mot que tout... les gens de cette époque utilisent. Alors, c'est une enquête, ça peut être des enquêtes payées pour l'INSEE. Ça n'avait rien. Non, mais il y a les enquêtes ouvrières, on en parlera mercredi. Il y a l'idée qu'il faut enquêter sur le terrain, il faut aller voir quelles sont la condition des travailleurs, etc. C'était un des grands slogans des Mao qui disait « qui n'a pas fait son enquête n'a pas droit à la parole ». Moi, j'entends ça plutôt avec mon anticommunisme et donc anti-maoïsme viscéral comme une directive policière, c'est-à-dire « qui n'a pas fait son enquête sur ses petits camarades et ne les dénonce pas, n'a pas le droit à grimper les marches. » Mais il aurait peut-être fallu faire quelquefois l'enquête sur les petits camarades, puisque quelquefois on sait que c'était, pour certains d'entre eux, heureusement ou malheureusement, c'était des informateurs de Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, et que agissements théoriquement clandestins ne l'étaient pas tant que ça pour le pouvoir. Non plus, et puis d'ailleurs, enfin, pourquoi pas, je veux dire, pour revenir à maintenant, au XXe et au XXIe siècle, je veux dire, on a coutume de dire à ACT UP que quel que soit le côté surprenant de nos actions, je veux dire, on a des assemblées générales ouvertes toutes les semaines aux Beaux-Arts, probablement le local d'ACT UP rue Sedaine est truffé de micros, la presse qui est intéressée vient, je veux dire, comme disait Philippe Mangeau qui a été président d'ACT UP, on ne fait que les actions qu'on nous laisse faire, mais on les fait selon notre mode et avec les... Bon. Donc, et puis il y a des gens qui n'étaient probablement pas des flics, mais qui ont fait autant de dégâts par leur sectarisme, enfin bon, et ça un peu partout, voilà, c'était... Donc oui, il y a... Et donc ces enquêtes, ce début, avant même l'agence de presse Libération, c'est quand même l'idée que les médias, la radio, on en a parlé la semaine dernière, mais la presse écrite, les journaux écrits à la va-vite, Action, qu'on vendait comme ça dans le Quartier Latin pendant les événements mai 68, c'est extrêmement important pour propager sa parole. C'est aussi le moment où on filme les actions ouvrières, c'est Iskra, c'est Chris Marker, c'est tout ce qui tourne autour de ces questions. Il faut filmer, il faut accompagner les actions, d'une médiatisation de ces actions. Oui, mais il y a aussi, toujours pour faire le lien entre avant, enfin, ici et ailleurs, hein, bon, il y a à la fois filmer et il y a aussi faire filmer. Enfin, je veux dire, ce qu'à ACT UP, j'ai mis un petit moment, parce qu'à ACT UP, on emploie beaucoup le terme et de slogans et de visuels et de méthodes qui viennent direct des États-Unis. Donc, j'ai mis un petit moment avant de comprendre, même si je le saisissais très bien, ce que voulait dire l'empowerment, c'est-à-dire laisser la possibilité aux gens qui prennent les choses eux-mêmes et non pas qui fassent ce qu'on leur dit de faire. Je veux dire... L'idéal, enfin c'est en général ce qui se passe, quelqu'un qui arrive à ACT UP On va pas lui dire, alors toi, tu vas aller à telle commission et tu vas faire tel boulot. Je veux dire, les gens naviguent un peu et puis ensuite se choisissent. Bon, puis ça marche ou ça marche pas. Mais enfin, on a vu des gens qui sont arrivés et qui, 2 ans plus tard, étaient, Jérôme Martin était un remarquable président d'ACT UP après être, très peu de temps après être arrivé, parce qu'il s'était justement investi. Donc, c'est pas simplement que ce soit Marker, Godard-Gorin, etc., qui filment. C'est aussi l'expérience des groupes Medvedkin qui vont filmer. C'était à Sochaux ou à Belfort. Oui, à Belfort, ouais. Il faut dire qu'il y a un DVD qui est sorti des principaux films des groupes Medvedkin. Et qui arrivent, ce sont des cinéastes, des techniciens qui arrivent avec leurs caméras, qui filment des luttes, qui filment des entretiens, mais qui en même temps donnent la possibilité aux ouvriers qui le veulent, en plus c'est pas l'obligation, toi aussi deviens cinéaste, mais de s'approprier la technique, de s'approprier le discours. Enfin, c'est un peu analogue aussi à ce qu'a fait au début, à ce qu'a fait à partir des années 80, une autre entité que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Agence Immédia, qui a été créée par Mognis Abdallah, qui est journaliste, après avoir été très lié au mouvement de l'immigration des banlieues, etc. Il a fondé en 80 une agence qui a eu d'ailleurs une émission à la télévision, qui était de travailler avec des jeunes de banlieue, mais aussi avec des journalistes, sur, d'une part, constituer des archives des mouvements de l'immigration et des mouvements de banlieue. À l'époque, essayer de retrouver justement que les gens s'approprient le matériel. Bon, faut pas non plus faire le truc à la Maoïse sur tu prends ta caméra et tu deviens immédiatement, etc. Comment ils se représentent, comment leurs paroles arrivent, qu'est-ce qu'ils pensent de leurs paroles et qu'est-ce qu'ils découvrent aussi de la parole des autres. Enfin bon, et c'est ça aussi. Mais quand vous parlez d'enquête, je pense que l'enquête en France, enfin enquête ouvrière ou autre, avait un sens quand même très très organisé et pas. Vous aurez peut-être l'occasion d'en parler avec Isabelle Sommier, pas le sens que prenait l'enquête ouvrière en Italie, l'expertise, l'enquête, enfin ce que font encore maintenant nos amis italiens ou que font admirablement les Espagnols, en particulier les filles de Precarias a la Deriva à Madrid, qui est vraiment, alors qu'il y a une enquête presque situationniste. Enfin, Precarias a la Deriva, c'est un groupe de filles, il y a quelques garçons, qui sont pour la plupart des intellos précaires, ou pas des intellos, mais enfin quand c'est des intellos, en général, elles vivent de petits boulots, de traduction, ou de prostitution, ou d'aide ménagère, ou d'appels téléphoniques sexuels, enfin bon, etc. Mais c'est vraiment des intellos précaires, et elles sont parties de la pratique situationniste des dérives, c'est-à-dire aller dériver. Elles sont peut-être moins alcoolisées, qui partaient donc au hasard des rues et des cafés à Paris ou ailleurs. Elles sont peut-être un petit peu moins alcoolisées, mais justement, elles partent dans un quartier où elles partent au moment d'une lutte, mais elles ne vont pas aller obligatoirement devant le piquet de grève. Elles vont demander aux gens du quartier et en particulier à la femme de l'épicier qui est obligée de fermer parce que, enfin bon, c'est ça. Et c'est ce genre d'enquête, enfin, qui est très inspiré aussi par un certain nombre d'intellectuels italiens, mais ils étaient bien plus avancés que nous, je veux dire, les Italiens là-dessus sur le plan théorique et pratique. Alors justement, est-ce que vous aviez 19 ans au moment de 1968, non, Isabelle 19 ans et demi. Est-ce que ces quelques semaines de mai 68 ont changé la géographie, par exemple, que vous faisiez de Paris, parce qu'on sait que juste avant 68, il y avait une géographie du Quartier Latin qui était tout à fait déterminée, il y avait la joie de lire, il y avait, c'est ce que raconte d'ailleurs Daniel Lindenberg dans son livre, il y avait des cafés où on se retrouvait autour de la Sorbonne. Évidemment, j'imagine qu'après ce qui s'était passé, toute cette géographie intime a peut-être été légèrement bouleversée parce qu'on s'est retrouvé dans d'autres quartiers, on a changé d'habitude et on a peut-être retrouvé d'autres manières de vivre, Isabelle. Oui, d'autant plus que moi, j'étais à Nanterre, pas par choix, enfin, on y était par obligation, il y avait une sectorisation. J'habitais le 18e, mais le 18e chic, près de la place du Tertre. Je me suis donc retrouvée à Nanterre. Enfin, en général, les gens qui étaient à Nanterre, ceux qui venaient de Paris, étaient en général d'un milieu aisé. Il y avait aussi des gens qui venaient du 17e ou du 18e prolo. Il y avait tous ceux qui étaient aussi à la cité, je veux dire. Il y a Daniel Ben Saïd qui arrive de Toulouse, qui est à Saint-Cloud, mais il y a notre ami Bernard Benichou qui arrivait d'Algérie, enfin qui n'était pas. Bon, il y a Jacques Tarnero qui arrivait de je ne sais pas trop où. Il y avait des gens qui étaient à la cité parce qu'ils n'avaient pas le moyen de se loger à Paris, comme il y a encore maintenant. Bon. Mais donc, moi, ce que je connaissais, j'arrivais du lycée. Donc, je connaissais Montmartre, je connaissais la place Clichy, le lycée Jules Ferry, je connaissais bien sûr un peu Paris, mais comme vous le disiez, le Quartier Latin, c'était les cinémas, la joie de lire. Or, c'est vrai que là, on a découvert à la fois des dérives, enfin, au gré des manifs, au gré de « on allait à tel endroit bon. ». Et puis des modes d'être dans Paris, parce que moi, enfin, ce dont je me souviens, c'est vraiment que ça discutait partout, y compris pour s'engueuler, petit con, agent de l'étranger, etc. Ou au contraire, des gens qui tout d'un coup se mettaient à hurler. Ou à... Enfin, bon. Et donc, on a découvert un Paris. On a découvert ce qui n'existe plus maintenant, que place Ballard, il y avait les usines Citroën. Mmh. Donc les ouvriers dans Paris. Donc les ouvriers dans Paris, oui. C'est, enfin, on a découvert, on le savait, mais on y est allé, hein, chez Citroën. Bon, Renaud Billancourt, on le savait, la forteresse ouvrière, etc. Mais bon, c'est quand même quelque chose aussi de, et ça, d'aller là-bas. Et ce changement de géographie symbolique, c'est important justement dans ce qui se passe après 68, ou est-ce que ça... Oh ben c'est juste... Oui, parce qu'il y a quand même de nouveau une occupation des lieux, enfin des, enfin je veux dire une occupation du territoire, pas une occupation. Mais je pense que c'était en plus particulièrement frappant pour nous qui étions à Nanterre, parce qu'à part certains, soit un peu plus âgés, soit un peu plus fortunés, qui avaient des voitures, on y allait en train, on prenait le train à Saint-Lazare, on descendait à La Folie, complexe universitaire. C'est, y a une scène célèbre de La Chinoise, là, une discussion entre Juliette Berthaud et Francis Janson, qui a été repris dans un magnifique court-métrage de Claire Denis qui s'appelle « Vers Nancy », et qui est dans un train, une discussion entre le philosophe Jean-Luc Nancy et une exilée politique. C'est un film magnifique qu'on voit rarement. Moi, je l'ai vu grâce à Rodolphe Burger et à son festival. Il faudrait absolument le projeter, parce que c'est le pendant, justement, où, et en plus, où en est la réflexion philosophique aujourd'hui sur l'autre, l'exil, etc. Bon, mais donc, on était à Nanterre. Comme dit Jean-Pierre Duteil, en plus, Nanterre, c'était chiant. C'était, à l'époque, c'était tout petit. Il y avait 3 bâtiments. Il y avait encore des baraquements militaires. Il y avait, bien sûr, pas la piscine, qui a provoqué l'altercation entre Dany et Missoff. Et François Missoff, le ministre. Le ministre de la... il n'y avait pas de bâtiment de la fac de droit. Moi, j'étais en sciences éco. Donc, on était... Moi, je suis arrivée la deuxième année de la fac en 66-67. Il y avait déjà des gens, mais on n'était pas extrêmement nombreux. Et on était tous ensemble. Et on n'avait rien à faire. Je veux dire, Jean-Pierre dit... Voilà, Jean-Pierre Duteil dit... Mais c'était chiant, Nanterre. Qui était un de ceux du 22 oui. mars, et qui est, premiers. Oui, qui était anarchiste et qui est un type absolument merveilleux. Et qui est l'historien et l'historiographe, c'est grâce à lui qu'on peut, on a pu reconstituer presque au jour le jour. Ça s'appelle, non, il a sorti un livre il y a 20 ans, qui s'appelle Nanterre vers le 22 mars, c'est-à-dire que ça s'arrête le 23 mars, mais ça fait revivre. Bon. Et Jean-Pierre dit, mais Nanterre c'était chiant, autant dans une grande ville, quand on en a marre de quelqu'un, on change de café, on change de quartier, là c'est la place du village, donc on est obligé de composer. Et c'est vrai que, moi je suis arrivée à Nanterre, j'y avais 2 amis très proches, qui étaient Nicole Lapierre, que j'avais connu au lycée autour du ciné-club, et Yves Flèche, qui était un ami d'amis d'enfance, donc que je connaissais depuis plusieurs années, avec qui j'avais préparé le bac philo par correspondance. Mais tout de suite, je veux dire, on s'est fait des copains dans des... Voilà. Et donc, on était un peu là. C'était... Bon, le truc un peu bizarre aussi, j'en parlais justement hier soir avec Yves et les autres, c'est qu'on était tous quand même relativement, enfin moi en particulier, sensibles à l'histoire du colonialisme, en particulier à l'histoire du 17 octobre 61, puisque mes parents ont fait partie des très rares parisiens, enfin, des très rares non-français musulmans d'Algérie, mmh. à faire partie de la manifestation de soutien qui a eu lieu quelques jours après, qui a été, ma mère est rentrée en sang, etc. Bon. Mais on était là, entre deux bidonvilles, celui qui est vers la Seine et celui qui est sur la petite colline où il y a maintenant la préfecture des Hauts-de-Seine. On y est allé, on y allait très souvent, je me le suis fait confirmer par les autres, parce qu'il y avait un excellent couscous pas cher. Mmh. Mais on n'est pas du tout allé parler avec les gens, faire de... Enfin bon, voilà. Et justement, comment ça se passe la rentrée universitaire après ? On continue, on a envie de continuer ses études alors qu'on a fait 1968. Moi, j'étais dans un état absolument atterré, une espèce d'atterration qui a duré un peu jusqu'au début des années 80, enfin, bien, même si j'ai fait des choses et des choses qui, moi, m'ont beaucoup intéressée, amusée ou passionnée, mais je n'ai pas été totalement inactive. Mais enfin, j'étais absolument... justement, quand Jean-Patrick Manchette dit dans son journal le 28-6-68, les lendemains vont brailler sévère, il a fallu attendre un petit peu quand même, parce que ça a braillé. Mais enfin, alors, en plus, on était tous un peu de notre bande. Je dis parce qu'on était à l'époque quand même assez liés. Hein. Donc les 142 qui ont signé le texte du mouvement du 22 mars, après ça s'est élargi, qui se sont retrouvés à Paris dans le bulletin du 22 mars, etc. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas là. Il y en a qui sont partis aux États-Unis, certains sont partis en collectivité. Dany était reparti à Francfort puisqu'il était interdit de séjour. Il faudra attendre 10 ans pour qu'il revienne. Certains, dont Yves Flèche, sont partis à Vincennes, quoique Vincennes a été fondée en 68 oui, ou 69. Fin 68. Daniel Schulman est parti un an plus tard. C'était pas gai-gai, Nanterre, je dois dire, à cette époque-là. Bon, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Enfin, on pouvait continuer. Il y avait des choses qui étaient en gestation, comme la gauche prolétarienne, justement. Et la question de la violence, est-ce que vous la posiez les uns ou les autres, puisqu'il y avait quand même cette tentative ou cette volonté de rétorquer à la violence d'État, comme on disait en Italie dans ces années-là, à partir du Mérampan, c'est-à-dire à partir du début 1969, de rétorquer à la violence d'État, qui était réelle en Italie, avec en particulier les attentats déviés qui pouvaient avoir eu lieu avec du soutien ou pas des services secrets au tout début des années 70. Donc il y avait la tentative de répondre à cette violence d'État par une même violence, une violence révolutionnaire qui allait donc conduire les uns ou les autres à prendre les armes. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui, à un moment ou à un autre, a traversé votre esprit, à vous ou à d'autres? On en parlera à jeudi. Moi, non, parce que je suis un peu trouillarde. J'ai eu quand même très peur à certains moments. Oui, je pense qu'Isabelle Sommier vous en parlera très bien. Mais à certains de mes camarades, bien entendu, justement le premier numéro du bulletin du 22 mars s'est fait saisir parce qu'on donnait la recette de fabrication d'un cocktail Molotov qui était entièrement faux. Donc nos camarades de Nanterre, de la Sorbonne Lettres, ont rétorqué par un tract qui donnait la bonne composition du cocktail Molotov. Bon. Mais cela dit, moi j'ai rien contre. Je veux dire, c'est à la fois, je pense, une histoire de génération, mais aussi une histoire de réflexion. Je trouve que la fascination pour la violence, enfin bon, il y a quelqu'un qui en parlerait très très bien en même temps qu'Isabelle Sommier, c'est Jacques Rémy, qui était un des chefs du service d'ordre de l'UJ puis de la GP, comme Jean-Claude Zancarini, dit Tarzan. Il parlerait très bien de ça, à la fois de la fascination, d'essayer de revenir un petit peu en arrière, enfin de pas... Et de la fascination pour cette nouvelle résistance qu'on voulait créer, comme d'ailleurs en Italie, avec cette idée que la résistance n'était pas allée jusqu'au bout dans la Seconde Guerre mondiale de son travail, et que c'était donc aux enfants des résistants ou à la nouvelle génération de reprendre le flambeau en se considérant comme des nouveaux résistants. Ouais. Alors c'était les nouveaux résistants donc du côté de la France, mais ça a été les nouveaux résistants en Italie, avec ces insultes qui étaient souvent proférées par des très jeunes aux anciens résistants de 1943, en leur disant vous n'avez pas, vous avez conduit à ce que la démocratie chrétienne garde le pouvoir, reste là, que le Parti communiste soit le seul parti autorisé en Italie comme opposition, et donc il fallait reprendre le flambeau d'une résistance qui était inachevée d'une certaine façon, Isabelle Saint-Saëns. Oui, mais en même temps, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que d'une part, et c'est encore vrai maintenant, et c'est... Je suis persuadée que de calquer une situation sur une autre empêche de voir la nouveauté de quelque chose et plaque immédiatement des réflexes d'analyse ou des émotions. Si je peux faire juste une incise, j'aime énormément Emmanuel Terret, qui est un type absolument formidable, qui est la génération d'avant, lui. Terret, c'est pas la génération des Althusseriens, mais il était déjà à l'époque investi, il était ethnologue sur le terrain en Afrique. Il était à l'école des études. Bon, c'est quelqu'un qui, depuis très longtemps, est investi, mais enfin plus qu'investi, personnellement et théoriquement, dans le mouvement des sans-papiers. Il est en particulier très présent auprès des collectifs de sans-papiers chinois. Mais il a sorti l'an dernier un texte qui a eu un énorme succès, qui faisait un parallèle entre les rafles, on ne peut pas appeler ça autrement, de sans-papiers qui se multiplient depuis maintenant 3 ans, mais systématiquement, et les rafles de juifs ou de réfugiés politiques pendant la Seconde Guerre mondiale. D'abord, je pense que... on ne peut pas comparer à la rafle du Vel'Liv, qui est une rafle... Enfin, bon, non. Je l'ai entendu dire ça dans un séminaire, et il y a 2 jeunes qui ont réagi en disant « Oui, c'est formidable, parce que moi, dans ma famille, si je parle des sans-papiers, on me traite de révolutionnaire, tandis que si j'utilise votre argumentation, ils sont très sensibles à ça et ils commencent à réfléchir. » Je suis désolée, si on commence D'abord, attendrir sur le sort des sans-papiers, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Et puis, en faisant des sans-papiers, les nouveaux petits-enfants juifs de la... On comprend rien du tout. Donc, justement, les nouveaux résistants, même si... Je me souviens très bien que mes petits camarades étaient allés chercher Charles Tillon, qui était le commandant légendaire des FTP, après avoir été un des mutins de la mer Noire en 17, je crois. C'était André Marty. André Marty qui avait été mutin. Pour avoir son acquiescement, son aval, son adoubement, pour fonder la nouvelle résistance prolétarienne, avec toutes ces chansons, j'adore Dominique Grange, mais enfin, une ligne de bling, une ligne de blongue, nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la lutte de classe, le clan du peuple est notre camp, enfin bon. Mais vous les avez chantées, ces chansons. Évidemment, mais c'était vraiment pas terrible, enfin. Quand je pense qu'à l'époque, j'étais en plein dans les Rolling Stones et aller chanter ça, qui était... Enfin, bon, ça veut dire qu'on s'empêchait de penser... Parce que normalement, une situation post-révolutionnaire ou crypto-révolutionnaire, avec une situation où on devrait penser le neuf. Or, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on était quelquefois dans la répétition. C'était dans la répétition événement qu'on voulait voir aboutir, comme s'il avait été interrompu et qu'il fallait être les derniers qui allaient mettre le coup de grâce. Je pense aussi, enfin, j'en suis la meilleure illustration, puisque tout à l'heure, j'ai fait une diatribe aussi longue qu'embrouillée et qu'enflammée sur mon anticommunisme. Je pense que, justement, une des raisons... qui fait que les choses se sont mal terminées à la fin des années 70, enfin, pour rebondir après, c'est qu'on avait à l'époque le Parti communiste le plus puissant et le plus bête du monde occidental. Et vraiment, c'est pas pour défendre les communistes italiens qui ont fait des saloperies, mais enfin, au moment où ils avaient Togliatti, nous on avait Thorez, nous on avait Georges Seguy, ils avaient Bruno Trentin, qui est un ami, mais qui a aussi fait des choses dégueulasses. Ils avaient Gramsci, nous, on avait Garrodi. Enfin bon, c'est... voilà. Et c'était un parti d'une violence incroyable. Et les gens qui sont sortis dans l'extrême-gauche sont sortis de l'UEC. Hein. D'abord, je ne sais plus dans quel ordre. D'abord les trotskistes, ensuite les maoïstes. Hein. Et donc, c'est des gens qui étaient très proches, quand même, qui se sont toujours définis par rapport... au Parti communiste, enfin, même si j'ai un peu plus de tendresse pour les trotskistes. Et pour un... bon. Ce qui fait qu'il y a eu très peu de choses, justement, qui sont sorties de ça. Ah, ce dont on parlait tout à l'heure, les lycéens, les femmes, les homosexuels, les prisonniers, je veux dire, l'influence. Alors, c'est aussi l'influence d'une génération de penseurs qui viennent après... Althusser, c'est capital, mais il y a aussi tous ces gens comme... Henri Lefebvre. Il y a Lefebvre, non, mais moi je pense plus précisément à Foucault, à Lyotard, à Deleuze, à Guattari, enfin qui parlent en plus des minorités, enfin minorités au sens large, c'est-à-dire des gens qui, quand on ne se reconnaît pas dans la norme qui vous est... Bon, c'est ça qui est très extraordinaire. Mais ça a été... Bon, le mouvement des femmes, etc. L'ELIP... Mais ça a été des choses qui ont été trop peu par rapport à l'écrasant carcan à la fois et du communisme et du gauchisme. Ce qui fait qu'en 81, je veux dire, il n'est plus resté grand-chose. Hein. Alors, raccrochez d'une certaine façon les wagons de la contestation. Au début des années 90, Isabelle Saint-Saëns, en rejoignant à la fois les mouvements sur du justice, des sans-papiers, etc., de l'immigration, et puis aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, assez longuement, ACT UP, comment est-ce que vous avez décidé à un moment ou à un autre, alors que vous étiez donc ingénieur de recherche dans un institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, comment vous avez décidé de repartir dans un nouveau combat et avec quel legs justement de ce combat que vous aviez mené à la fin des années 60, au début des années 70. Même si j'ai... Bon, dans les années 70, j'ai quand même fait partie de l'Association pour la défense des droits des détenus, qui était la suite un peu officielle du groupe d'information sur les prisons. Le GIP, dirigé par Michel Foucault. Ensuite, à la fin des années 70, j'ai participé à une revue féministe qui était extrêmement drôle, qui s'appelait Remue Ménage, où il y avait quelques filles qui étaient à la Ligue, dont Sophie Boucher, qui était... de mes meilleures amies à Nanterre, qui est devenue depuis la conseillère de Ségolène Royal. Mais c'était un journal qui n'était d'une part pas du tout inféodé à un groupe quel qu'il soit, et qui faisait des enquêtes de terrain. On a fait des trucs sur les débuts de l'informatique, on a fait des buts sur les femmes de ménage, sur le salaire ménager, les grands débats, etc. Dans les années 80, la seule chose qui m'est titillé l'esprit, c'était d'une part la marche des beurs et d'autre part ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Et donc il y a ça. Et puis, je suis un peu sensible aussi au... Il y a le mouvement de la double peine aussi. Mais la chose qui m'a vraiment frappée, ça a été le mouvement des sans-papiers. Parce que, à la fois parce que ça... montrait d'affichage, enfin, de mode d'organisation. Et puis, parce qu'il me semble, et je le pense toujours, puisque je continue à travailler beaucoup là-dessus, que les phénomènes de migration et les problèmes que soulèvent les migrations, pas le problème des migrations, parce que quand on dit qu'il y a un problème, en général, on a la question, et on a la réponse, et elle est en général répressive. Mais toutes ces choses que soulèvent avec la place des femmes, etc., c'est au cœur de, je veux dire, ouverture des frontières ou liberté de circulation, enfin bon, les États-nations, l'extension, la précarité, la place des femmes, enfin bon, je ne vais pas vous faire... En même temps, ces nouvelles formes de répression que sont les camps hors d'Europe et la nouvelle politique européenne avec le fait de se faire aider par les États peu démocratiques pour faire ça. Qui sont à la périphérie. Oui, comme le Maroc, la Libye, etc. Quand bien même serait-il démocratique, d'ailleurs, qu'un camp est totalement inadmissible. Hein. C'est nos amis italiens, ni se dit ici, ni ailleurs. Ni qui, ni altro. Mais bon. Et puis, le fait... Alors, c'est là où je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'un des livres les plus pertinents, un des livres contemporains qui vient de sortir, est celui de François Cusset, qui s'appelle... Contre-discours de mai. Mm-hmm. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais enfin, il faudrait peut-être que je le relise ou que j'affine un peu mon truc, mais quand il dit « c'est la fin de l'individu, or, enfin, 68, et c'est ce qu'on trouve maintenant, etc. » Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que moi, je trouve que justement, mais c'est peut-être j'étais actepienne avant l'heure, ce qui m'avait frappé dans les années 75, au moment de la grande grève des immigrés dans les foyers Sonacotra pour réclamer... Très importante grève. Oui, parce que c'était 73, une grève... 73, 74, 75. 75-79, qui ont été menées par les habitants des foyers eux-mêmes, soutenues par un certain nombre d'experts, dont des gens qui étaient à la CIMADE et qui sont passés au GISTI, qui ont exigé de ne pas être menés par d'autres, mais au contraire d'être nourris. Bon. Et c'était aussi qu'ils apparaissaient, enfin... Il se montrait. C'est-à-dire, il y a une espèce de visibilité. C'est pas dire moi je, ce que je suis en train de faire moi en ce moment, ou ce que font des images de 68. C'est parler en son nom. Ce qu'à ACT UP, d'une façon un peu embrouillée, mais je vais pas vous expliquer ça, bien que ça soit passionnant, on appelle faire de la politique à la première personne. Ce qui permet, par exemple, à l'extraordinaire Emmanuel Cos, qui est femme hétérosexuelle séronégative, d'avoir été une des très très brillantes présidentes d'ACT UP. Dans un autre genre aussi brillante que Philippe Mangeau ou Christophe Martet ou etc. Et Emmanuel, enfin, et nous aussi, je veux dire, c'est représenter une communauté, mais pas une communauté au sens où on en parle maintenant. Mmh. C'est le sens de communauté tel qu'on pouvait l'expérimenter, en particulier dans la communauté homosexuelle, mais ailleurs, qui est une communauté, c'est une communauté d'expérience, une communauté de lutte. Les gens y viennent pour 10 raisons qui peuvent être totalement contradictoires et quittent d'ailleurs la communauté. Enfin bon. Et donc, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Cusset. Ce qui m'a frappé, c'est ces gens. En plus, il y avait, alors pour faire le culte du leader, il y avait Madigan Cissé et Salah, qui étaient des gens magnifiques, intelligents. Ça, c'était au moment de Saint-Bernard. C'était au moment de Saint-Bernard, avec les assemblées de Saint-Bernard où les gens discutaient entre eux, où les femmes en avaient marre d'être toujours réduites au silence et on dit, bon, allez, vous, les connards, vous allez aller discuter de vos histoires de stratégie. Nous, on va parler de la politique, de ce qu'on fait, comment on s'organise, etc. Ça, c'était absolument extraordinaire. C'est ça qui m'a... Donc, j'ai beaucoup suivi le mouvement. Comme c'était l'époque où je m'étais mise à faire des sites web professionnellement, j'ai tout de suite rejoint Marc Chemillier, qui avait fondé le premier site à partir des communiqués des sans-papiers. On a mis plein de choses. Et puis après, bon, voilà. Et puis, à la fin 16, je suis aussi allée proposer au GISTI, dont je trouvais le groupe d'information et de soutien des immigrés, qui est un groupe très extraordinaire, pas du tout ACT UP, alors c'est pas du tout la même chose, mais c'est un groupe enfin, d'experts foucaldiens, c'est-à-dire que c'est des juristes au départ, ça a été fondé par de jeunes hauts fonctionnaires en 72 qui voulaient justement faire prendre en compte les droits des étrangers. Dire les étrangers ont des droits, mais ils ne sont pas respectés, et puis il faut d'autres droits, et puis il faut pas telle loi, etc. Et moi, je trouve que le GISTI est un groupe assez formidable. Et je suis allée là, tout simplement, bon, j'avais mis en ligne aussi des textes de Daniel Lochac avec un serveur que j'avais fait avec un ami sur des textes antinégationnistes. Et Daniel avait fait des analyses sur le droit sous Vichy, enfin, qui sont... Moi, je l'ai d'abord connu par ça. Et donc, je leur ai proposé de leur faire un site. Et puis, comme c'était la fin de l'année 97, enfin, 16-17, qui commençait à y avoir des choses, etc., je suis rentrée au GISTI. Par le GISTI, j'ai connu ACT UP. Là, j'ai eu quelques grands coups de foudre, enfin, entre le GISTI et ACT UP. Je me rappelle en particulier d'une réunion qui est la première fois où j'ai vu les gens qui représentaient ACT UP qui sont des amis qui sont à Vacarme, Stanny et Victoire, et puis Claire Rodier avec qui je travaille à Migrop, et j'ai eu coup de foudre amicaux pour ces gens-là. Enfin bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais comment on est accueilli quand on... Est-ce que c'est un poids par rapport aux jeunes militants, des gens qui ont 20 ans dans la fin des années 90, par exemple, de se dire ancienne du 22 mars, ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose de entre guillemets, de glorieux, de quelque chose qui fait une référence, un peu comme la question des résistants par rapport aux nouveaux résistants des années 60. Je sais pas. D'abord, moi, je le porte pas en bandoulière, à part, disons que j'ai la vanité d'en parler comme ça un peu à la... Ce qui est une autre forme de vanité, hein, d'en parler à la rigolade, etc. Mais en même temps, je veux dire, comme j'y ai retrouvé, je veux dire, des choses, enfin, cette façon d'essayer justement de... La question de l'anti-autoritarisme. L'anti-autoritarisme, la question de refuser l'organisation horizontale. La question aussi, je veux dire, à ACT UP, quand j'y suis arrivée, bon, les gens... D'abord, c'était beaucoup plus facile que si j'étais arrivée 3 ans auparavant. Je veux dire, quand des gens comme Emmanuel sont arrivés en 92, c'était des gens où toutes les semaines, en réunion hebdomadaire, on annonçait des morts, où l'expertise des malades n'était pas encore reconnue. C'était le début du procès de l'affaire du sang contaminé. Il y avait quand même encore aussi, c'est tous des PD, etc. C'était incroyablement dur et éprouvant. Enfin bon, moi je suis arrivée à un moment où les choses étaient un petit peu plus légères. C'était toujours une hécatombe, ça l'est toujours. Bon, mais les gens commencent à avoir des perspectives de vie, enfin bon, etc. Et où justement, avec Entract Up, les gens que j'ai connus qui étaient aussi sur les problèmes des étrangers, on a eu l'idée de ce mouvement très rigolo au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui s'appelait « Nous sommes la gauche », en expliquant que c'était nous la gauche, parce qu'on était avec les ouvriers, avec les sans-papiers, avec les malades, avec les précaires, et on s'est réunis à un certain nombre, dont des gens du... À quelques-uns, on a fait signer le GISTI là-dessus, ACT UP était partie prenante. Il y avait aussi, on a fait connaissance avec les gens qui Agir Ensemble contre le chômage, parler du revenu minimum d'insertion, qui sont depuis passés chez les intermittents. Enfin, Jeanne Revel, Laurent Guillotot, Marc Moreau, un certain nombre de gens comme ça. Et on a commencé à agiter des choses. Moi, je m'y retrouvais. Ils pouvaient aussi se sentir confortés quand je leur racontais des choses. À ACT UP, les gens sont... ACT UP Vacarme, les gens sont... c'est un groupe très sûr de lui aussi, qui parfois peut être un peu... Ils sont contents d'apprendre, mais ils ont aussi des choses à enseigner. Et lorsqu'on se retrouve entre anciens du 22 mars, ça ressemble à quoi, cette réunion annuelle que vous faites maintenant? Ah non, ce n'est pas réunion annuelle, c'est une réunion décennale. Et puis on se voit... Bah, on se demande qu'est-ce que ça va être. Parce qu'on se retrouve, bon, on a tenu là à inviter absolument tout le monde, enfin tous les gens dont on a les coordonnées. Hein. On en a guère retrouvé, bon, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont à l'étranger, qui viendront pas, il y a des gens qui font autre chose. Jean-Christophe Bailly, qui fait une intervention à la Villa Gilet, Dimitri Pitoev vit en Polynésie, donc c'est un peu compliqué. Je ne sais plus, Roger Anthony vit à la Guadeloupe, donc ce n'est pas tout à fait sûr. Mais Danielle Linhart, qui est la petite sœur de Robert, sera là. Enfin, il y a des gens... On a même envoyé une invitation à Dany, mais au Parlement européen, ça a dû... Enfin, je ne sais pas combien on sera. Bon, il y a des gens avec qui on a... Enfin, moi, il y a des gens avec qui j'ai vraiment gardé le contact. Bon, Nicole Lapierre, je l'ai connue au lycée, je ne l'ai jamais quittée. Bon, Danielle Schulman, on s'est un peu quittée parce qu'elle a eu un engagement, elle, très... très vivace, elle a été en usine, etc. Mais on se retrouve depuis 10 ans et on se voit beaucoup. Il flèche aussi Harry Jankovici, qui était l'homme le plus drôle et un des plus intelligents de cette génération. Enfin, ils sont tous formidables, puisque vous avez lu les trucs de Perrault. Jean-Pierre Dutheil est formidable. Il faudrait avoir d'autres choses aussi, mais on est un peu effectivement curieux de savoir. D'abord, ça sera 10 ans plus tard, il y a des gens qu'on n'aura pas revus. Peut-être qu'on va s'engueuler. Enfin, Jacques Tarnero, par exemple, qui rend maintenant mai 68 responsable de l'état de la société française et des attentats palestiniens, ça m'étonnerait que... Mais Jacques était un gentil garçon à l'époque. Et on peut encore en discuter. C'est ce qu'on verra. On verra à ce moment-là. Merci Isabelle Saint-Saëns d'avoir bien voulu ouvrir cette semaine consacrée donc aux années et aux mois qui suivent tout juste mai 68 par votre expérience et par votre récit justement du début de ces années. Comme Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vola Bolivier et Mélanie Chalandon. Le site internet sur lequel vous pouvez écouter les émissions de la semaine dernière sur Radio 68 pendant encore 3 semaines au moins, télécharger certaines d'entre elles et donc trouver des bibliographies complémentaires est tenu par Antoine Lachant. Aujourd'hui à la technique, Cécile Braque, à la réalisation Charlotte Roux. Vous pouvez réagir à cette émission ou à toutes les autres au 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, à la pièce 61 23 de la Maison de la Radio, ou encore sur le site internet www.franceculture.com, rubrique Les émissions, la fabrique de l'histoire. Et donc vous pouvez également écouter demain le documentaire qui s'appelle donc Les femmes des filles de mai se rebellent.